bienvenue à cette édition en langue française. À la présentation, vous êtes avec Odin Daichimie, Albert Ndoyo assure la mise en onde. Commençons ce journal dont voici les grands titres. 5 ans de prison ferme est une amende de 200 000. C'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Lumongue contre un homme habitant dans la ville de cette province. Il est accusé d'escroquerie et outrage envers les autorités. Les habitants du quartier Sokarti de la zone Kamenge demandent le concours de l'ombudsman pour une médiation avec le gouvernement. Pour eux, un délai supplémentaire est nécessaire pour quitter les lieux. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, les détails. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 5 ans de prison ferme et une amende de 200 000, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Lumongue siégeant en matière de flagrance ce vendredi contre un homme habitant la ville de Lumongue. Samuel Sindai Hebura s'est rendu coupable d'escroquerie et d'outrage envers les autorités. Il aurait exigé 200 000 francs burundais à un officier de la police judiciaire en détention au cachot du commissariat burundais, à un officier de la police judiciaire pour aller plaider en sa faveur auprès du gouverneur de Lumongue et le secrétaire provincial du parti CNDD FDD à Lumongue. Samuel Sindai Hebura a plaidé non coupable, accusant plutôt cet OPJ de lui avoir tendu un piège. Les habitants du quartier Sokarti de la zone Kamenge souhaitent le concours de l'ombudsman pour une médiation avec le gouvernement quant à la mesure de les expulser, de ce quartier avant la fin du mois d'août prochain. Le comité de ces habitants est allé ce vendredi rencontrer le médiateur. Il demande un délai supplémentaire pour bien se préparer à quitter les lieux. Au sein de cette institution de médiation, le chef de cabinet a reçu ce comité et a promis que l'ombudsman va s'y rendre prochainement, pour les rencontrer. Nous allons revenir sur cette information dans un instant. 95% de billets ont été rapatriés dans les banques dans le processus du changement des billets de 5 000 et 10 000 francs burundais. Les propos sont de Bellarmin Bacinoni, porte-parole de la BRB ce jeudi lors de l'émission des porte-paroles des institutions tenues à Moudinvia. Les chiffres définitifs seront communiqués, ajoute-t-il. Ce porte-parole de la BRB indique également que la collecte de ces billets a facilité les opérations des banques qui étaient perturbé. Suivez-le. Les chiffres provisoires que nous avons jusqu'à aujourd'hui montrent que 95% des billets attendus d'être retournés à la banque ont été retournés pour être échangés. Pour cela, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, surtout les autorités administratives pour la collecte des billets de 5 000 et 10 000 fabriqués en 2018 pour l'échanger avec ceux de 2022. La somme totale de ces billets collectés seront communiquées après. La valeur ajoutée de ce travail de collecte de billets, c'est-à-dire cela a facilité les opérations des banques qui étaient perturbées alors que ces banques sont celles chargées de faire les compensations. Si une telle somme est gardée à la maison ou si elle n'est pas en circulation, cela perturbe l'économie du pays et ça freine le fonctionnement des opérations bancaires. Bellarmin Bacinoni était traduit en français par Clovis Nyonguru. Il existe encore des hommes qui ne sont pas encore conscients de l'évolution des droits de la femme. Analyse faite par Melchisedek Ndouayessou, chercheur anthropologue, au moment où il s'observe des cas de violence basés sur le genre, dont celui de l'homme violenté à Kayanza par sa femme. Selon lui, les autorités publiques devraient changer de discours pour aider la population à bien intégrer ses droits, car cela diminuerait plutôt les cas de violence conjugale. Suivez à ce propos Melchisedek Ndouayessou. qu'il y ait une violence à l'égard des hommes de la part de leurs femmes, je dirais que ça s'expliquerait aussi par une impossibilité également pour une femme d'être violente. Parce que la violence n'est pas l'apanage des hommes. Hein. Les femmes sont aussi violentes que les hommes le sont. Et donc, si les femmes peuvent être violentes, pourquoi non, ça l'armait qu'il y ait eu de ces cas. Que les femmes soient de plus en plus sensibilisées hein, à leurs droits, en fait, elles deviennent conscientes qu'elles ne peuvent pas tolérer indéfiniment certains types de traitements qu'elles subissent dans le cadre conjugal. Et en fait, il y a des hommes qui avaient pris la coutume de traiter les femmes comme ils veulent. Vous en avez qui les traitent comme carrément des domestiques, qui les traitent comme des bêtes de somme. Et le fait qu'il y a ce discours sur les droits de la femme hein, va en fait sensibiliser ces femmes-là que certains traitements sont injustes et vont les dénoncer. Ou alors chercher à agir pour essayer de changer le type de relation qu'elles ont à l'égard de leur mari. Ce qui en résulte, c'est que certains hommes deviennent moins sensibles à ces revendications. Et donc, lorsqu'elles deviennent sensibles à ces revendications des femmes, c'est parfois des querelles qui s'en sortent et vous en avez finalement que certaines femmes vont jusqu'à imposer un peu de respect, un peu de considération dans leur ménage par la violence, si vous voulez. Et donc, les hommes devraient être avertis, devraient être sensibilisés à ce genre de changement, puisque, comme je le dis, c'est irréversible, et ne pas s'enfermer dans leur pratique traditionnelle qui consiste à considérer un homme comme le tout-puissant, comme l'autorité publique, devrait porter lui-même ce message dans les diverses rencontres qu'elle organise avec la population. Des bouteilles de récupération en plastique sont encore en usage au marché de Kayanza pour l'emballage de certains produits commerciaux comme l'huile, alors qu'ils sont suspendus par le bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité. Les commerçants à Kayanza demandent la disponibilité d'autres emballages. Séverin Hassindaï Kengela, directeur général du BBN, tranquillise que la question trouvera solution les jours à venir, appelant les hommes d'affaires à investir dans ce secteur. Patrick Senguyumf. Lors de notre passage au marché de Kayanza le matin de ce vendredi, nous avons constaté qu'il y a encore certains commerçants qui se servent des bouteilles de plastique de récupération en emballant certains produits comme de l'huile, alors que le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN en sigle a dernièrement suspendu l'usage de ces bouteilles. Certains des commerçants contactés à ce sujet nous ont indiqué qu'ils sont au courant de la mesure, mais qu'ils ne trouvent nulle part où s'approvisionner en des nouvelles bouteilles en plastique. Les mêmes commerçants indiquaient que les emballages qu'on utilisait pour emballer d'autres produits commerciaux ne peuvent pas être utilisés pour l'emballage de l'huile de palme ou l'huile d'arachide. Les commerçants à Kayanza demandent que ces bouteilles en plastique de récupération soient disponibles dans tous les coins du pays afin de cesser avec ces bouteilles en plastique de récupération. Même son de cloche avec Ndouimana Sylvestre, le représentant des commerçants à Kayanza. Celui-ci appelle les opérateurs économiques à investir dans la fabrication de ces bouteilles en plastique afin que des commerçants en trouvent facilement. Interrogé à ce propos, Séverin Sindaï Kengela, directeur général du BBN, celui-ci nous a fait savoir que cette décision de suspendre au marché des bouteilles d'emballage en plastique de récupération est irrévocable, surtout d'appeler lui pour prévenir des dangers qui pourraient survenir à la santé de la population. Pourtant, il fait savoir que des nouvelles bouteilles en plastique en usage sont en mairie de Bujumbura et qu'elles ne sont pas dans d'autres provinces en quantité suffisante. Séverin Sindaï Kengela tranquillise les commerçants que la question trouvera solution les jours à venir. Depuis Kayanza, Patrick Senguyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Senguyumva. 8 millions de dollars américains est la somme financée par la Banque de développement africaine pour le démarrage du projet d'appui au Centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition lors d'une descente effectuée par la directrice exécutive de la BAD pour constater où arrivent les travaux ce jeudi. Mélance Nunzganimana, coordonnateur du projet, signale que cette banque va donner un autre montant de 35 millions de dollars américains pour achever tous les travaux. Le point avec Jean-Marie Mayong. Les travaux de construction de ce centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition ont commencé en 2019. Selon le coordonnateur de ce projet, plus de 8 millions de dollars américains ont été déjà utilisés. Mélance Nguzwenimana précise que l'enveloppe pour tous les travaux est de 35 millions de dollars américains. Le centre d'excellence régionale en sciences de nutrition, c'est un centre qui a été créé comme d'autres centres dans les pays de l'East African Community. Le budget était autour de 35 millions donc de dollars, mais parce qu'on n'a pas eu accès à l'enveloppe régionale, donc on a eu l'enveloppe locale qui était en enveloppe de 6 millions d'unités de compte qui avoisine 8 500 dollars. Donc c'est un budget qui n'était pas suffisant parce que tout ce qu'on avait prévu de construire, on avait prévu donc de construire nos propres locaux, mais le gouvernement nous a donné donc les locaux à réhabiliter. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique apprécie cet appui financier de la part de la Banque africaine de développement. François Vialimana ajoute que l'Université du Burundi vise à doter le Burundi les ressources humaines en matière de nutrition dont le pays a besoin. Comme la BAD appuie aussi dans la réhabilitation de certaines infrastructures, elle a profité de cette occasion pour se rendre sur le terrain afin de constater réellement si l'appui de la BAD a contribué au développement de ce centre d'excellence en sciences de la nutrition. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec elle pour visiter les infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées à travers ce projet financé par la BAD. Nous, de notre côté, nous avons profité de cette occasion pour demander qu'un appui supplémentaire puisse être octroyé à l'Université du Burundi afin de permettre à l'Université du Burundi de former d'autres spécialistes dans le domaine de la nutrition. Comme vous le savez, on avait en tout cas très peu de spécialistes en ce domaine. Et donc l'appui de la BAD nous permettra d'avoir un nombre suffisant de spécialistes dans le domaine de la nutrition qui vont pouvoir intervenir dans les différents domaines. Selon Mélance Nguzwenimana, coordonnateur de ce projet, l'Université du Burundi a déjà formé 140 nutritionnistes de niveau master et doctorat depuis 2019. Radio Isanganiro, chronique environnement. Dans la chronique environnement ce vendredi, on vous parle de la reproduction du poisson dans le lac Tanganyika. Les femelles pondent des œufs qui par après seront arrosés par les spermes des mâles. Professeur Gaspard Nakimadi, enseignant d'université, spécialiste de l'environnement, explique que ces œufs sont couverts soit par le mâle, soit par la femelle, pour donner des larves. La spécialité pour les femelles, c'est qu'elles gardent ses œufs dans la bouche jusqu'à donner naissance aux larves. Léonce Vitalio. La reproduction de poissons se fait de plusieurs manières, mais pour tout, toutes les femelles pondent des œufs qui, plus tard, seront fécondés par les mâles. Mâles et femelles s'accouplent de façon extérieure, où les premiers arrosent de leur sperme les œufs de la femelle dans l'eau. Professeur Gaspard Nakimazi, il est enseignant d'université, expert en environnement. C'est comme tous les êtres vivants, disons tous les animaux en tout cas. La différence par rapport à beaucoup d'autres animaux qui font des accouplements, les poissons, il faut aussi des sortes d'accouplements, mais extérieurs. C'est-à-dire la femelle pond des œufs à l'extérieur et le mâle arrose ses œufs de son sperme. De différentes espèces de poissons, il y en a qui s'accouplent au milieu des eaux du lac ou de la mer, tout comme il y a d'autres qui le font vers les berges. Même les modalités pour faire que ça se fasse, il y a donc plusieurs méthodes ou bien plusieurs stratégies qu'ont adoptées donc différentes espèces. Il y a des espèces, notamment celles qui vivent en pleine eau, mâles et femelles, tous ensemble, plusieurs milliers ou plusieurs millions ensemble, tous les œufs pondent les œufs en même temps, le même jour. On ne sait pas comment ils se sont invités pour aller faire la même chose à la même minute. Et les mâles sont là aussi. Ils envoient dans l'eau en même temps leurs semences, tous en même temps. Là. Comme ça, les œufs vont rencontrer les spermatozoïdes et il y a fécondation. Comme ça, il y aura donc un œuf fécondé. Quelques deux, trois jours après, il y aura une larve qui sera donnée à un petit poisson. C'est encore très variable d'une espèce à l'autre. Une fois fécondées, les larves sont gardées soit par la femelle, soit par le mâle. L'un et l'autre de sa façon. Pour la femelle, elle garde ses larves dans la bouche. C'est le cas notamment des dindagala, même le cas des moukéké, là. C'est aussi en pleine eau. Et c'est seulement après donc les œufs, quand ils auront éclos, après deux, trois jours, qu'on aura des petites larves qui vont être poussées par les vagues, qui vont se retrouver tout près de la côte pour grandir. Sinon, d'autres espèces qui, eux, vivent tout près du bord, là, c'est d'autres espèces. Il y a même parmi eux où des mâles que les aptinis invitent la femelle pour venir pondre les œufs dedans. Et puis le mâle arrose de sa semence, son sperme, sur les œufs dans le nid. Alors, ils vont garder les œufs pendant 2-3 jours, le temps que les œufs éclosent. Il y en a aussi des espèces qui, eux, prennent directement les œufs juste après la fécondation en bouche. On appelle ça incubation buccale. Et comme ça, les petits vont sortir de la bouche plus tard, 5-6 jours. Là, ce sera donc des petits larves qui seront autonomes par après. Concernant les zones de reproduction de poissons, ce sont essentiellement les berges. Il y a des larves qui sont fécondées dans cette même partie des eaux et d'autres emportées par les vagues. Donc il y en a qui se reproduisent, c'est-à-dire qui pondent les œufs au large, mais les petits viendront grandir tout près du bord. Mais ceux qui sont tout près du bord, ils vont donc pondre leurs œufs là-bas, les petits vont grandir là-bas. Mais il y a d'autres poissons qui, eux, même s'ils vivent dans le lac, préfèrent entrer dans les rivières, dans les ruisseaux, pour pondre leurs œufs là-bas, parce que là, l'eau est beaucoup plus oxygénée. C'est là qu'ils vont pondre leurs œufs là-bas, et les petits vont par après redescendre dans le lac pour grandir. Il y a des espèces qui ont donc besoin d'avoir les deux milieux là, le lac et une rivière, pour faire leur cycle vital. Alors là, sur les berges, ce sont souvent les points de rencontre pour diverses sortes de larves, les uns ayant été produits sur le lieu et d'autres emportés par les vagues. Quelle est alors la durée pour atteindre la maturité? Rendez-vous dans la prochaine chronique Environnement. Je vous le disais dans ce journal, les habitants du quartier Sokarti de la zone Kamenge souhaitent le concours de l'ombudsman pour une médiation avec le gouvernement quant à la mesure de les expulser dans ce quartier avec la fin du mois d'août prochain. Le comité de ces habitants est allé ce vendredi rencontrer le médiateur. Il demande un délai supplémentaire pour bien se préparer à quitter les lieux au sein de cette institution de médiation. Le chef de cabinet a reçu ce comité et a promis que l'ombudsman va s'y rendre prochainement pour les rencontrer. Cette information a été recueillie par Moïse Misako. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo pour sa parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Odanda Ishimiye. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.